de vivre tous deux. Et l'on est libre de partir demain où tu veux. C'est ça que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. Chaque jour que vient faire l'amour avec toi, c'est l'aventura. Quand tu m'embrasses, t'es nouveau sous le soleil. Les jours qui passent ne sont jamais, jamais pareils. Que notre histoire devienne plutôt un refrain. L'aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'aventura, c'est dormir chaque nuit. Tes mains qui se posent sur moi, et chaque jour devient faire l'amour avec toi, c'est l'aventura. Xin mai đây ta cứ đi tự do. Phiêu lưu trong cõi tiên, âm ti nơi sóng cao biển êm. Mai đây khi nắng lên, cùng nhau đi ta dắt nhau đi liền. Tấm thân mà bàn tay ta vuốt ve, đôi ta phiêu lưu trong ái ân, trong tình yêu ta hiến thân cho muôn kiếp hồng trần. Không gian ơi lắng nghe, ta hôn nhau ta thấy nhau còn mê. Không gian như khác đi, ôi đôi ta đang bước trong tình si. Tấm thân mà bàn tay ta vuốt ve, tình yêu, ta hiến thân cho muôn kiếp hồng trần. Trong tình yêu, ta hiến thân cho muôn kiếp hồng trần.